Et donc on travaillait à Kigen, hein, il n'y avait pas d'heure, il n'y avait rien. Mais c'était presque toute l'année, hein. Quand une saison avait passé, en hiver, on chargeait des pommes de terre et des trucs comme ça. À quel âge vous avez commencé à travailler dans les fermes quand vous étiez enfant? Oh, ben, 13-14 ans, on Ah, c'est allait très aller jeune. même à la moisson, rendez-vous compte. Je me L'été, souviens même. la moisson, oui. Oui. On suivait, tu sais, à ce moment-là, il y avait des lieuses Oui. qui tournaient autour du champ, et la lieuse te balançait une gerbe. Et la Elle gerbe, faisait la gerbe, la lieuse. oui. T'as pas connu le temps où il y avait la faucheuse et c'était à vous de faire les gerbes? Si, un peu, mais je préférais la lieuse, moi, hein. Parce que la gerbe était faite, Oui. il n'y avait plus que faire un Ah, nœud, quoi. ah oui, il fallait quand même fermer Non, les... oui, tu prenais un truc long comme ça, quoi. Ouais. Tu faisais un nœud, Des épipes, tu et puis faisais un tu nœud. prenais la Oui. gerbe, la bigouden, Ouais. comme on disait, et on la mettait debout. Tu la mettais debout, Ouais, comme ça, comme quoi. Et ça. après, si après quelqu'un les prenait dans le champ,